De retour à Futur Simple, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Et en cette deuxième partie d'émission, on va faire un peu d'astronomie, sauf qu'on va regarder le ciel avec des ondes radio. Alors, comment on fait de la radioastronomie? Comment ça marche et qu'est-ce que ça permet de voir? C'est l'astrophysicien Jean-René Roy qui va nous le dire. Bonjour Jean-René. Bon début de soirée, Valérie. Alors Jean-René, en fait, avant de rentrer dans la radioastronomie, j'aimerais qu'on fasse un petit clin d'œil à la date d'aujourd'hui, c'est Pâques. Et Pâques, en fait, a une relation avec la date qui détermine Pâques, a une relation avec notre satellite, la Lune. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Oui, en fait, c'est comme bien d'autres fêtes religieuses, surtout chrétiennes. On a en fait usurpé une fête ancienne appartenant à un autre groupe pour la rebaptiser et la reconsécrer à autre chose. Donc, Pâques vient en fait de Pessa, je suis sûr que je prononce pas le mot hébreu correctement, qui est la Pâque juive, qui elle dure plusieurs jours, et qui célèbre le passage de la mer Rouge, décrit dans la Bible, dans le texte de l'Exode. Donc, c'est le fameux événement où Moïse a séparé les eaux et le peuple qui était, entre guillemets, otage en Égypte est passé en Palestine. Et c'est cette grande célébration qui la Pessa juive qui a été reprise par les chrétiens et qui est célébrée avec une relation avec l'équinoxe. Donc, pourquoi c'est flottant, cette journée de Pâques? C'est un peu agaçant même pour certains. Donc, on célèbre Pâques, on place le jour de Pâques le premier dimanche qui suit la première lune qui vient après l'équinoxe du printemps, le début du printemps, qui soit le 20 ou le 21 mars, qui est finalement un point astronomique de référence dans le ciel qui est localisé par rapport à nous. C'est un point très géocentrique. C'est le moment, dû à notre orientation et le mouvement de la Terre autour de la Terre, où le centre du Soleil nous paraît passer de l'hémisphère sud céleste à l'hémisphère nord céleste, donc franchit l'équateur. Donc, nous, on voit comme les journées plus longues à partir de ce moment d'équinoxe. Mais Pâques est en ballant et n'est jamais la même chose d'une année à l'autre. Mmh. Et encore pire, vu qu'on ne s'est pas entendu sur lequel calendrier adopter dans la chrétienté catholique et la chrétienté orthodoxe, celle de la Russie, celle de tous les pays slaves. Là-bas, on tient encore la fête religieuse selon le calendrier julien. Ah ouais. Donc, cette année, par exemple, la fête de Pâques pour nous va être le 9 avril. Et pour les orthodoxes ou tout le monde qui pratique la religion orthodoxe et même sans la pratiquer, qui vit dans les pays où cette religion a eu une influence historique, donc ce sera le 16 avril. Ah, voilà, donc il y a un décalage à cause des deux calendriers. Et donc, on retient que Pâques, c'est le premier dimanche après la première lune, pleine lune? Oui, la première pleine lune Fox. Qui suit l'équinoxe. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y a un épisode cocasse. Quand Georges Lemaître, le père du Big Bang, le grand cosmologue belge, siégeait sur l'Académie des sciences pontificales, le pape Jean XXIII, qui l'avait nommé, avait demandé à Georges Lemaître qu'est-ce que l'Église peut faire pour être utile à la société. Mm. Et Lemaître lui avait dit, mettez donc la fête de Pâques à une date fixe. Ah oui, effectivement. Mais ça permet, cette fête de Pâques permet de revisiter quand même deux phénomènes astronomiques, donc l'équinoxe et la pleine lune. Exact. Voilà. Alors après ce petit détour Pascal, bien Jean-René, venons-en à la radioastronomie. Et là, j'ai envie de commencer par une petite anecdote personnelle, parce que quand j'étais petite, mes parents ont visité le radiotélescope de Nancy en France. Et alors dans ma tête, dans ma petite tête d'enfant, je voyais pas vraiment comment Un poste de radio pouvait servir de télescope pour regarder les étoiles. Radio-télescope, pour moi, c'était comme ça marchait pas ensemble. Donc, Jean-René, est-ce qu'on peut commencer par démystifier ça, en fait, quand on parle d'ondes radio en astronomie, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au spectre électromagnétique et qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux longueurs d'ondes utilisées dans la radio, quand on allume le poste de radio? Donc, là, quand on parle de radioastronomie, d'ondes radio, ce sont, on a, c'est une simplification, c'est ondes radioélectriques. Donc, ne pas confondre avec des ondes sonores. Évidemment, l'onde qui arrive à votre appareil radio est une onde radioélectrique, mais décodée par votre appareil radio, elle devient une onde phonique, une onde sonique. Donc, la radioastronomie ne détecte pas des sons, elle détecte des ondes, des pulsions électromagnétiques comme la lumière, comme les rayons X, comme les rayons infrarouges. La différence, c'est que les ondes dites radioélectriques sont de longueur d'onde plus grande, beaucoup plus grande que les ondes de l'ordre qu'on peut détecter avec les yeux, qui seraient par exemple un millionième de mètre. En gros, une longueur d'onde. C'est à peu près le domaine entre le domaine visible et l'infrarouge. On commence à parler d'ondes radio à peu près quand on arrive dans le domaine d'à peu près de l'ordre du millimètre de longueur d'onde. Et c'est un domaine très vaste avec plusieurs octaves, pour prendre une analogie du piano, donc qui va jusqu'à des kilomètres de longueur d'onde. Donc, les ondes les plus pratiques dans la vie quotidienne, ce sont les micro-ondes, celles qui sont par exemple en fréquence modulée sur votre radio, celles qui sont aussi transmises par les télévisions, les stations de télévision encore, qui peuvent être reçues par des antennes, toujours, celles que vous utilisez dans votre four micro-ondes, celles qui sont dans beaucoup d'appareils émetteurs, détecteurs, déclencheurs de différents mécanismes. Ce sont des micro-ondes, elles ont l'avantage de voyager en ligne directe et de ne pas interférer avec l'atmosphère. L'atmosphère ne les bloque pas, contrairement aux ondes plus longues, comme les ondes qui peuvent avoir une longueur d'onde de l'ordre de plusieurs mètres, qui étaient les longueurs d'onde et qui encore existent, des fréquences AM, d'amplitude modulée. La radio AM utilise des longueurs d'onde plus longues et celles-ci ont un désavantage et un avantage. Elles sont bloquées par la couche supérieure de l'atmosphère, l'ionosphère, qui est une espèce, ça devient comme un écran parce que c'est un écran d'électrons. Mais l'avantage que ça donne, c'est que ces ondes-là peuvent se propager au-delà de la courbure de l'horizon. C'est ça, elles nous reviennent finalement. Oui, elles peuvent exactement. Et pour les gens qui sont en radio amateur et tout, c'est quelque chose qui est très important. Le short waves, entre guillemets, qu'on l'appelle, mais ça demeure des ondes de longueur d'onde assez grande. Donc, ce sont des ondes électromagnétiques comme la lumière, les rayons X, les rayons infrarouges. Mais beaucoup plus longue, beaucoup plus longue que. Beaucoup plus longues, exactement, oui. Alors maintenant, sachant qu'on a dit ça, en fait, bon, comment est-ce que ces longueurs, ces ondes radio qu'on perçoit, ces ondes radio qui viennent de l'espace, qu'on perçoit, on les perçoit comment, on les visualise comment, on les entend, comment est-ce qu'on les Donc, perçoit en fait? On entend en fait, on prend comme un appareil quelconque où on essaie de capter cette lumière et la concentrer à un point, comme on le fait avec une lentille pour la lumière. Donc ici, vu que la longueur d'onde est grande, que le signal est plutôt faible, on va utiliser des grandes surfaces métalliques, même des simples grillages peuvent servir. Certains des premiers radiotélescopes, en fait, les gens les construisaient avec des simples plaques métalliques comme de la tôle qu'on peut acheter, montée sur des 2x4, ou même du grillage de clôture de poule pouvait aussi servir si les longueurs d'onde étaient grandes. Donc, finalement, elles sont réfléchies par ces miroirs qui sont de grandes paraboles, concentrées à un foyer et renvoyées, concentrées à un miroir secondaire, qui est aussi une surface métallique, renvoyées à un foyer où on collecte sous forme d'un petit signal électrique très faible, mais qu'on peut amplifier et détecter et mesurer. Un petit signal électrique finalement, d'accord? Oui, absolument. D'accord, ouais. D'accord. Alors, ouais. Comment c'est arrivé? Faisons un petit plongeon dans l'histoire, Jean-René, parce que comment c'est arrivé la radioastronomie? Parce que je comprends bien, bon, visuellement, nous humains, on voit les étoiles, on développe des systèmes optiques pour voir les étoiles, mais là, on n'entend pas les étoiles et on n'a pas idée de mettre des grandes paraboles, bah, des grands grillages pour détecter un son dont on n'a aucune idée qu'il existe. Ouais. Donc, en fait, le cheminement est récent. Hein? C'est, d'ailleurs, on fête aujourd'hui le 90e, pas aujourd'hui, mais cette année, le 90e anniversaire de la première détection de signal d'ondes radioélectriques provenant du ciel. Et ce fut une découverte de hasard par un ingénieur américain du nom de Carl Chansky qui travaillait pour la compagnie de téléphone Bell. Qui était intéressé à la nouvelle technique de propagation et de communication par télégraphie sans fil, c'est la radio comme telle. Donc, cette technique-là avait été développée pour justement faire des communications sur Terre par ondes radio, par un monsieur Marconi et un autre, un Allemand, Bauer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient mis au point cette détection pour pouvoir prédire les orages électriques. Non. Parce que, si vous vous souvenez, à l'ère de la radio AM, quand il y avait un orage électrique, on entendait, à chaque éclair, on entendait un grichage assez fort. Et si vous aviez des voisins avec des autos qui avaient des bougies mal ajustées aussi, quand ils passaient devant chez vous, vous les entendiez passer. Donc, finalement, c'est une espèce de hasard qui a fait, bon, pourquoi ne pas essayer d'avoir un émetteur et un capteur? Et c'était l'invention de la radio au début du 20e siècle. Et le nom de Marconi est demeuré célèbre par rapport à ça. Donc, pourquoi Chansky vient jouer un rôle ici en 1933? C'est que la compagnie Bell est très intéressée à la technologie de communication radio sans fil. Donc, on savait qu'il y avait beaucoup de bruit de fond dont on ignorait la nature. Ces grichages dont je vous ai parlé. Ouais. Et ce bruit de fond était surtout dû à des orages électriques proches, mais surtout lointains. Il y a toujours des orages électriques sur la Terre qui produisent ce bruit de fond. Et on a demandé à Carl Chansky d'essayer de cartographier les directions d'où provenaient possiblement ces bruits, pour qu'on puisse peut-être ajuster nos directions de propagation en émission dans les meilleurs horaires. Et aussi, est-ce qu'il y avait des moments dans la journée où c'était plus calme? Donc, il a fait des observations pendant quelques années. Et ce qu'il a découvert, il s'est rendu compte, oui, il y avait ce bruit de fond continuel. Et il s'est rendu compte, mais qu'il y avait quelque chose, un bruit qui augmentait et qui diminuait avec une période de 23h56. 23h56, ça ressemble un petit peu à la rotation de la Terre, ça? Et à la rotation de la Terre par rapport aux étoiles. Ouais. Donc, il a dit, ça vient, c'est relié, quelque chose dans le ciel émet cette espèce de statique ouais. qui est plus fort que le bruit de fond que je détecte normalement dans la journée. Et il a continué et il a détabli, parce qu'il y avait une certaine directionnalité dans son antenne, que c'était quand la voie lactée passait au-dessus de son antenne que le signal devenait le plus fort. Ah, oui. Donc, il a dit, la source est en provenance de la voie lactée. Aujourd'hui, on le sait, il avait fait une détection absolument très appropriée, très pertinente. C'est un signal d'un ensemble, finalement, de sources de vieilles supernovas, de vestiges de supernovas anciens qui ont généré des particules qui sont dans les champs magnétiques de la voie lactée et qui produisent ce signal. Donc, il a publié en 1933 et en 1935, article ignoré par les astronomes. Ah oui. Et même s'il y a eu une petite note dans le New York Times en 1933. Donc, c'était quand même assez, assez inusité, assez, comment, inattendu. Inattendu, voilà, c'est le mot que je cherchais. Inattendu de penser qu'il y avait un signal radio qui venait d'ailleurs, qui venait de l'espace. Oui, les astronomes auraient dû, hey, il y a une nouvelle façon d'observer l'univers. Donc, c'est intéressant parce que c'est ignoré pendant 10 ans. Faut dire que la guerre est passée par là aussi. Oui. Donc c'est repris, l'effort est repris par un autre Américain, Grother Reber, qui est encore un ingénieur en système radio et qui, lui, va prendre au sérieux les observations de Jansky. Il va littéralement construire une antenne dans sa cour avec une technique, comme je décrivais, avec des panneaux de métal, avec des 2x4. Et il va observer le ciel. Finalement, il va avoir une antenne parabolique d'une trentaine de pieds de diamètre et qui va finalement mettre en position nord-sud jour après jour et laisser, avec la rotation de la Terre, défiler le ciel devant lui. Et comme ça, il a cartographié finalement le ciel radioélectrique. OK. Donc, et il a soumis une publication en 1900, dans les années 44-45, à la revue The Astrophysical Journal. Et heureusement, à ce moment-là, l'éditeur, qui s'appelait Otto Struve, a dit, bon, ça a l'air sérieux, cette affaire-là. Donc, je vais considérer la publication, mais avant de faire la publication, il a envoyé deux jeunes astronomes aller visiter Grother Reber, qui était en Ohio, les bureaux d'édition étaient à Chicago, et qui ont visité, sont revenus, ils ont fait une note, ils disent, ça a l'air très sérieux, le monsieur a l'air à savoir ce qu'il fait, a l'air très compétent, et on devrait publier. Donc, finalement, les astronomes ont pris note, et c'était, on peut dire, le début de la vraie radioastronomie, et entre autres, aidé par toutes les technologies développées avec le radar durant la Deuxième Guerre. Donc, une véritable explosion d'une nouvelle discipline, amplifiée justement par cette synergie avec les technologies qui étaient apparues. Et la radioastronomie a été finalement créée comme sous-discipline dans plusieurs pays, entre autres en Grande-Bretagne, en Australie et au Canada. Mm. Et les premiers radioastronomes étaient des ingénieurs radio. Ah ouais, ouais. Et donc ensuite, à partir de là, on a commencé à construire des antennes spéciales, donc des, oui, des radiotélescopes. Oui, et de toutes sortes de formes, dont celui de Nancy que vous avez vu, qui était assez curieux. De Nancy, pas de Nancy. Non, oui, de Nancy, excusez-moi. Donc qui est une forme particulière, donc on peut se demander qu'est-ce que c'est ce truc-là. Là. Mais la plupart des radiotélescopes ont cette forme un peu familière d'antenne parabolique, mm-hmm, pour capter les ondes radio. Elles sont grandes. Certaines sont tellement grandes, comme le radiotélescope chinois, en fait, qui est creusé, qui est un système de grillage métallique installé dans une vallée pour faire un radiotélescope d'ouverture de 500 mètres de diamètre. Donc, il y a toutes sortes de technologies pour regarder dans différents points du ciel au fur et à mesure que la Terre tourne sur elle-même. Donc, les radiotélescopes, c'est une technologie qui a avancé beaucoup et où on construit le radiotélescope différemment et ses récepteurs différemment selon la plage de longueur d'onde qu'on veut observer. Si on est dans les micro-ondes, ça va avoir l'air du radiotélescope antenne parabolique qui est assez familier, surtout pour des gens qui ont des radars pas loin de chez eux. Et ce sera la même chose pour les longueurs d'onde plus courtes, comme le millimétrique, le submillimétrique, où là même on pourra faire des capteurs pour faire des images comme dans le domaine visible. Mmh. Dans les ondes plus longues, c'est pas possible encore, donc on a des technologies assez poussées pour reconstruire des images. Et l'autre chose, un gros avantage aussi, c'est que les radiotélescopes, on peut les mettre en réseau pour faire des interféromètres, et qui peuvent finalement produire les images qui ont la plus haute résolution angulaire qu'on puisse obtenir en astronomie. Mmh. Donc, il y a des réseaux de radiotélescopes comme celui d'Alma au Chili, et plus récemment, la mise en réseau d'une dizaine de radiotélescopes qui ont permis de cartographier la silhouette d'un trou noir, ah oui, à 50 millions d'années-lumière. Donc, c'est un bel exemple de mise en réseau de radiotélescopes qui n'ont pas été construits pour ça, mais qu'on a modifiés et adaptés pour mener ces observations et produire l'observation spectaculaire d'il y a quelques années, du trou noir, du méga-trou noir au centre d'une galaxie à 50 millions d'années. Et est-ce que ça apporte des informations complémentaires par rapport aux autres longueurs d'onde, par rapport au, oui, visuel ou... Oui, surtout des informations de phénomènes énergétiques et surtout de grandes variabilités dans le temps. Comme le Soleil, par exemple, est une source que nous, on voit bien, c'est la plus brillante dans le ciel, dans le domaine visible. Dans le domaine radio, le Soleil n'est pas lumineux, n'est pas brillant, sauf lorsque des éruptions solaires à la surface, parce que ce sont des phénomènes électromagnétiques très intenses, mais très courts dans le temps. Si nos yeux étaient sensibles aux ondes radio, l'objet le plus brillant dans le ciel serait une source qu'on appelle Cassiopée A. C'est une source dans la constellation Cassiopée, qui est dans la région de la Grande Ourse dans le ciel, et qui, en fait, abrite le vestige d'une supernova qui a explosé en 1572, observée par Tycho Brahe. Si nos yeux étaient sensibles aux radios, le soleil, entre guillemets, radio, serait là, serait, Ah ouais. oh, qui serait très distant, ne tournerait pas autour de cette source. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'on entend parler aussi des fois de sursaut, sursaut radio, sursaut gamma, je ne sais pas. Est-ce que c'est la même chose? Non, en fait, là, la source que je viens de vous décrire, la plupart des sources sont généralement, disons, stables. Leur brillance ne varie que très peu. Il y a beaucoup de sources qui varient, en fait, mais leurs fluctuations sont pas très rapides. En 2007, on a découvert un phénomène, un sursaut très court, quelques millisecondes, très brillant. Un peu comme, je reviens toujours à l'analogie de quand vous écoutiez la radio en AM, s'il y avait un éclair qui frappait, vous entendiez un zap, un grichage et tout. Donc, il y a des sources dans le ciel dont on ne connaît pas exactement la nature qui produisent ce qu'on appelle des sursauts rapides radio. Rapides parce que leur durée n'est que de quelques millisecondes et les plus longs à 3 secondes. Donc, ce sont des flashs soudains. On a réussi récemment à identifier une source possible et on suspecte, sans connaître encore exactement quelles sont les sources exactes, on suspecte que ce sont des phénomènes à la surface des étoiles à neutrons, donc des noyaux d'étoiles effondrés où la matière qui constitue l'objet est un paquet de neutrons très, très dense, de la masse justement à peu près d'un soleil, le résultat d'une explosion de supernova qui avait plusieurs fois la masse du soleil, mais la partie centrale s'est effondrée sur elle-même en neutrons. Donc, on pense que ce sont des genres de réajustement des croûtes, donc de tremblements de terre d'étoiles à neutrons, avec leur champ magnétique qui produisent finalement ces flashs de rayons, de sursauts radio rapides. Mais on ignore et ils sont très nombreux dans le ciel. On suspecte qu'il y en a à peu près 10 000 par jour. Donc, et il y a maintenant des radiotélescopes qui sont dédiés à l'observation, au suivi de ces sources et surtout de tenter de les localiser dans le ciel pour tout de suite arriver avec un radiotélescope, avec un télescope différent pour voir si on voit pas un signal lumineux, faire la spectroscopie et mieux comprendre la source. Donc, à l'heure actuelle, c'est la grande intrigue à radioastronomie. Et en même temps, l'autre grand développement, c'est la mise en réseau pour la cartographie de silhouettes de trous noirs. Ah ben, on va rester peut-être sur cette intrigue des sursauts radio rapides. On ne connaît pas vraiment la cause de ces sursauts-là et ça va nous permettre de rester à l'affût des nouvelles découvertes des étoiles. Alors, merci beaucoup, Jean-René, pour cette plongée dans la radioastronomie. Toujours un grand plaisir. Ainsi se termine Futur Simple et je cède maintenant le micro de CKRL 89.1 à Calypso Lemoine pour En aparté. Après minuit, Je sors sous la flotte d'en chercher une botte pour égayer notre maison et pour effacer tout le mal que je t'ai fait. Mais peu importe les raisons, comment mon cœur vous trouvait des fleurs lundi soir après minuit. Quand le cœur traverse une petite averse pour égayer notre réduit, un bouquet de roses, n'est-ce pas ce qui s'impose un lundi soir après minuit. Je cours sous la flotte, t'en chercher une botte pour égayer notre masure. À l'heure où les durs sont dans la nature, à l'heure où la rue n'est pas sûre, comment mon cœur peut trouver des fleurs un lundi soir après minuit. Quand sur le trottoir, dans l'herbe de la nuit, s'ouvre la fleur noire d'un parapluie, elle fume sa tige et donne vertige, montrant la lune au fond du puits. Voilà mon cœur, on trouvait des fleurs lundi soir après minuit. Et comme ce commerce est le seul qui s'exerce pour égayer notre réduit, je rentre chez moi, les yeux cernés de lilas, ce lundi soir après minuit. Lundi soir après minuit, lundi soir après minuit.